cacher d'extraterrestres. Et si ça t'intéresse, viens faire de les caisses. Car t'en auras besoin, cousin, petit pouce, plus de catin. Plus de vagin, viens jouer au bas de Bolusin. La violence mène dans la capitale. Et si t'as plus de capital, c'est la peine capitale. Le cavalier de l'apocalypse sur la justice. Dis qu'avec du fils, ta putain de mère protectrice. Ils ont fait vos yeux bien clairs qui ont l'air sincères. Des hommes cannibalistes qui mangent notre putain de chair. C'est 64-16, ça a l'air balèze. Mais quand t'as 16 estomacs, cette fois c'est bien à l'aise. La révolution française, une révolution pleine terre. Une révolution assiette. Celle-ci m'a l'air bien balèze. Condamné à perpétuité, à être liquidé. Condamné pour avoir tué des enculés. GAV sur GAV, les menottes, le chétan, le HIV. Nous poursuit dans le couloir de la mort. J'ai l'impression d'être un matador dans une arène en plein Salvador. Mundia, Wungu, Lukumpu, Tumuki, Congo. Et aujourd'hui on veut me renvoyer dans mon pays, le Congo. Démocratique à leur avenir, semble critique. Ma balistique semble sosocaïque. Dis-moi ça, il faut que tu ailles là. Il faut que tu ailles parce qu'ils vont nous envahir. Ils sont venus déjà, on ne les a pas remarqués. Ils ont l'apparence humaine et n'ont pas l'air fraîchement débarqués. Marqués sur leur front ils n'ont et ne sont que ce que vos esprits leur ont permis nous aborder. Leur nombre inconnu sont-ils sombres, clairs, pourvus ou dépourvus. Dénombrer les leurs affaires, les voir, qui les a vus à les croire. Ils n'existent pas, différents, ils sont sans âme quand leur cœur ne saigne pas.